les religions, Christ, Allah, Jéhovah, ne sont plus les champions, ne sont plus les divas. Que l'on soit couronné, que l'on soit pauvre gens, un nouveau Dieu est né, il a pour nom argent. Et bien qu'il soit croyant, fervent ou modéré, l'homme rêve à chaque instant d'avoir une vie dorée. Quelques vélitaires deviennent intégristes, refusent de s'y faire et meurent en terroristes. Je n'en crois pas mes yeux, ils sont devenus fous. Je n'en crois pas mes yeux, ils n'ont plus de tabou. La politique à mort, tous les partis qui bafouent toute éthique au nom de l'amnistie. Ils ont pris dans nos caisses toutes nos économies. C'est bien fait pour nos fesses, faut choisir ses amis. Pas fini la famille, arrêtons le massacre et reprenons nos billes d'agate et de nacre. Parlons plus aux enfants, sachons les écouter et vidons leur écran d'ordi et de télé. Je n'en crois pas mes yeux, ils sont devenus fous. Je n'en crois pas mes yeux, ils n'ont plus de tabou. Je n'en crois pas mes yeux. Les amis, ils sont notre oxygène, ils sont notre embellie quand on est dans la gêne. Jamais tu ne demandes puisqu'ils donnent de tout, ils déposent des guirlandes sur tes jours de dégoût. Pas fini mon amour, même si je suis fauché, ma richesse c'est l'humour où elle vient se nicher. Soyons plus intrépides et vivons sans complexe, l'amour est notre guide, ce doit être un réflexe. Je n'en crois pas mes yeux, ils sont devenus fous. Je n'en crois pas mes yeux, ils n'ont plus de tabou. Que reviennent les jours offerts à l'insouciance, où nous faisions la cour pour tenter notre chance. Que revienne le temps des clés sous le paillasson et celui des amants.